1951 ou 1955, l'année de naissance du président Idriss Déby Itno continue de faire polémique, divisant les auteurs qui se sont penchés sur sa biographie. Biographie d'un homme dont le lieu de naissance n'est également pas connu avec précision. Toujours est-il qu'au début des années 50, la future foudre de guerre et homme d'État voit le jour. Pour l'extirper des griffes de la vendetta, après qu'il ait tué un homme alors qu'il était à l'école, ses parents l'envoient à Bangor au sud pour y poursuivre ses études, affirme un homme politique tchadien. Ainsi semble se dessiner les traits de caractère du jeune enfant qui entre à l'école des officiers de N'Djamena à 24 ans. À sa sortie, il débute une carrière militaire riche en rebondissements. Après l'éclatement du gouvernement d'Union nationale de transition de Koukouni Wedey, ce dernier est poussé en exil en Algérie. Entré en rébellion aux côtés de Hissène Habré en mars 1980, Idriss Déby sera successivement commandant des forces armées du Nord, puis colonel. C'est triomphalement qu'il fait son entrée en N'Djamena en 1982 aux côtés de Hissène Habré. Hissène Habré qui s'empare donc du pouvoir par un coup de force piloté par son futur tombeur, Idriss Déby. Il est par la suite envoyé à l'école de pilotes d'Asbrook en France. Pendant cette formation, il tenta de poignarder un de ses collègues, commente un opposant tchadien. Impulsif et belliqueux, le caractère de l'homme se révèle. De retour au Tchad, il est nommé conseiller du président Hissène Habré pour la sécurité et la défense. Très vite, les dissensions vont naître entre le maître Habré et l'élève Déby. Le colonel est accusé avec son cousin Hassan Djamous, le nouveau commandant des forces armées du Nord, et son demi-frère Ibrahim Itno, ministre de l'Intérieur, de complot contre Hissène Habré. Pendant que le commandant Djamous est tué, Idriss Déby s'enfuit au Soudan, où il crée le mouvement patriotique du salut en mars 1990. Ce mouvement reproche à Hissène Habré son autoritarisme et sa mauvaise gestion des ressources. Depuis sa base arrière du Soudan, l'assaut est lancé sur N'Djamena le 1er décembre 1990 avec l'aide de la France, de la Libye et du Soudan. Chassé du pouvoir, le président Hissène Habré se réfugie au Sénégal en passant par le Cameroun. Investi par le Conseil d'État et désigné par le mouvement patriotique du salut, Déby est porté à la présidence le 28 février 1991. Il représente alors l'espoir de toute une nation. Élu en 1996, 2001 et 2006, après avoir fait modifier la constitution, Idriss Déby va susciter en ses alliés qui l'ont porté au pouvoir une vive animosité. Ceci lui reproche de s'accaparer de tout le pouvoir. C'est ainsi qu'en avril 2006, le capitaine Mahamat Nour du Front Uni pour le Changement tente de le renverser. Idriss Déby ne sauvera son pouvoir que grâce à l'intervention du dispositif épervier de l'armée française au Tchad. En ce mois de février 2008, trois rébellions armées viennent de manquer de le renverser du pouvoir, mais l'histoire de l'ancien rebelle devenu président promet encore bien de rebondissements. Mamadou Moufa depuis Yaoundé au Cameroun, pour Afrique Plus, Radio CHUO FM.